Bon matin tout le monde, Danny Veillé, le bulletin de sport complet de l'édition du 17 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de que c'était la Coupe du Québec de vélo de montagne en fin de semaine à Saint-Félicien. En catégorie atome, Zach Dubois de Saint-Félicien a triomphé. En catégorie sport, Gabriel Lamontagne du club vélo 2 Max de Saint-Félicien a terminé au 5e rang. Et en classe sport, 17-29 ans, médaille d'or pour Sébastien Tremblay de Saint-Félicien. Et dans la catégorie 30-39 ans, Simon Tremblay de Chibougamau et Tommy Lavoie ont terminé respectivement premier et deuxième. Chez les femmes 30 ans et plus, Nadia Lecombe du club vélogamique de Saint-Félicien et Mylène Tétrault ont terminé premier et deuxième. En sport 40 ans et plus, Jason Côté a terminé au premier rang et Luc Ménard en troisième position. Et chez la catégorie expert 60 ans et plus, Martin Demers a enlevé la troisième position. Maintenant, on va parler de natation. Il y avait une compétition de natation en fin de semaine et 5 médailles d'or pour les nageurs de la région. D'abord, Loïc Lambert a signé une médaille d'or aux 200 mètres. Sandrine Arsenault a raflé la médaille d'argent dans la même catégorie. Aussi, dimanche, Jacob Morel-Arsenault a terminé deuxième aux 200 mètres papillon. Yann Lambert en 200 mètres nage et Anaël Dufault aux 100 mètres brasse ont décroché la médaille de bronze. Maintenant, en golf, en fin de semaine, s'est déroulée une compétition du circuit régional de golf. Dans le 2A, Marc-Olivier Bougie de Chibougamau a terminé troisième avec une carte de 77. Dans la catégorie A, un gain de notre chroniqueur Michel Lallemand qui a signé une victoire avec un 79 et Jean Lamotte de Saint-Prime a enlevé la deuxième position avec une carte de 80. Et dans le B, c'est Ronald Lafrance qui a terminé au premier rang avec du tournoi avec un pointage de 79. Jules Gagnon a enlevé la deuxième place en terminant deuxième avec 83. Et dans le B, Julien Lacour de Dolbeau Mistassini a terminé premier avec une carte de 92. Soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, à noter que du côté, ça se passait hier, le FC de Saint-Félicien défait le FC de Saint-Félicien U15 par la marque de 4-0. Un gain également pour Héberville, 2-1 sur Saint-Félicien dans le senior masculin division 2. Maintenant, à noter aussi dans les autres matchs qui nous... Dolbeau Mistassini en catégorie senior masculin a vaincu le Boreal d'Allemagne 5-2. C'est un match de la catégorie senior division 2. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a fait plusieurs entrevues avec Stéphane Lebeau, entre autres, qui parle du Canadien de Montréal. Vous pouvez également écouter une entrevue que j'ai réalisée avec Benjamin Pelletier, qui évolue dans l'organisation des Phillies de Philadelphie. Et Jean Gounel vient nous faire le bilan de la Coupe du monde de soccer. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport, on s'en occupe.